C'est l'après toi qui tue. Il se tue en île. Je hais tout ce qu'il fit. Nous sommes ça. Ça se sort. Ça s'essort. Ça se dilate. Chacun se bat contre son passé. Chacun se bat contre le présent. Chacun a gagné son futur. Apprend à gagner son futur. Le temps est toujours serré. Le temps est à droite des pronoms. Le pronom est à gauche du temps. Le pronom est le nom. Le moins en rien. Oh.